discours, Henri, sont du miel. Ils caressent mes orifices de leurs belles références qui savent se faire allemandes lorsque le jeu en vaut la chandelle. J'aime à penser que tu fais ton marché chez les plus grands gens de tous les temps. Tes amis sont mes amis, car ils travaillent de concert à nous faire être un bon gars, à nous faire être un vrai gars, à nous faire de nous autres le gars. The guy. Grâce à toi, Henri, je n'ai plus honte. Je me sens superbe. Je luis. J'irradie le monde de la supériorité des miens. Ensemble, toi et moi, disons c'est qui le vrai, c'est qui le faux. Tu martèles, Henri, le seul chemin droit. Tu ne godilles pas. Nous en avons plus le temps de faire ça, Henri, n'est-ce pas? Tu prends la grande poule et tu la secoues, tu la fais pondre lors de la nation, Henri. En disant non, Henri, le poing levé, non, Henri, nein, nicht und kein, la repentance veut nous taper, Henri, mais tu es là, tu guettes. C'est des shérifs comme toi que j'ai fauté.